Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau débat comics. Alors aujourd'hui, on a préparé une très grosse émission. Mais avant de vous parler du sommaire, je vais présenter les gens qu'il y a autour de moi. Donc on a le fan incroyable de Berserk qui fait des rêves de Guts et Griffiths nus. Non. Je nomme Adrien. Salut, bonsoir, bonjour à tous. À la droite d'Adrien, j'ai notre invité qui a auto-publié son propre manga qui est toulousain. Bonjour Nico. Salut à tous. Et à la droite de Nico, j'ai Nico ou alias Sweep. Je pense qu'on va essayer de t'appeler Sweep sur cette émission, Nico. Ça dépend des conneries qu'on sort parce que j'ai une image de marque maintenant. Donc si vous pouvez éviter de dire trop de merde, ça serait sympa. Bon, mais ça sera Sweep alors. Donc aujourd'hui, on a prévu une très grosse émission, mais centrée autour du manga parce qu'on a un mangaka français. Donc on va en profiter pour vraiment se lâcher sur le manga, c'est comme on n'a jamais fait avant sur le débat comics. On va commencer sur une grande news qui était la fusion entre Crunchyroll et Viz Media Europe. J'ai des news, j'ai une excellente news, mais elle va arriver d'ici quelques minutes. Ça s'appelle du teasing, messieurs et dames. Restez bien connectés, c'est très instructif pour la suite de Crunchyroll. Donc après, on va enchaîner sur Nico qui va nous parler des conditions de vie des auteurs. Oui. Oui. Merci Nico. Merci Nico. Ou Sweep, on va. Il a tout dit dans son oui. C'est ça. Ensuite, on va enchaîner avec l'interview de Nico qui va nous parler de Crying Girls. Sa trilogie de manga. Tout à fait. Et après, on va revenir sur notre première sortie qui va être le festival d'Angoulême avec Adrien. Oui, et je serai présent du coup sur ce festival. Et pour terminer, on va faire les conseils d'achat pour le mois de février. Sur ce, c'est parti pour cette incroyable news. Donc, c'est parti pour cette incroyable news parce que toute l'équipe a travaillé d'arrache-pied depuis le 4 décembre sur cette fusion entre Crunchyroll et Viz Media Europe. C'est la grosse news de la fin de l'année 2019. Rien n'a été annoncé, rien n'a été dit et on a décidé de mener l'enquête tout le long du mois de décembre et tout le long du mois de janvier pour arriver à une news concrète que je vais vous donner aujourd'hui à la toute fin de cette news incroyable. Donc d'abord, avant d'arriver sur cette nouvelle incroyable, je voulais vite fait reparler de Crunchyroll et de Viz Media parce que c'est quand même deux groupes américains, deux géants du manga aux États-Unis. Donc Crunchyroll a été créé en 2006 par des étudiants, c'était un site de partage vidéo payante et ça s'est développé au fur et à mesure. En 2012, c'est arrivé en Amérique latine. En octobre 2013, Crunchyroll est arrivé en France. En avril 2014, Crunchyroll a été racheté par AT&T qui est le gros groupe de la Warner Media. Donc à savoir que donc Crunchyroll c'est la Warner. Une petite news sympathique qu'il faut savoir. Entre 2015 et 2016, ils se sont renforcés avec des droits et des exclusivités entre le Japon et les États-Unis, et donc également la France. En 2017, ils ont passé la barre du million d'abonnés, qui est pas mal pour quand même un service de streaming exclusivement lié au monde asiatique, parce que bon, on peut trouver des animés, mais également des dramas. Mais également des mangas qu'on peut acheter en VO, en version américaine. Le 3 juillet 2019, il y a eu un rapprochement entre Crunchyroll et le groupe Viz Media Monde. Le 6 septembre 2019, Crunchyroll devient l'actionnaire majoritaire de Viz Media Europe, et ça a été confirmé par le Congrès américain le 4 décembre, parce qu'aux États-Unis, il faut qu'il y ait une... faut que ça soit officiel, faut que ça passe au Congrès pour officialiser les choses. D'où le fait qu'il y a eu autant de temps entre le rachat de Disney et de la Fox, par exemple. Et donc ça, c'était pour revenir sur Crunchyroll. En ce qui concerne Viz Media, c'était un vieux groupe créé en 1986 en Californie. Sa mission était de diffuser du contenu japonais aux US. Viz Media est détenu par trois grosses maisons d'édition et d'animé au Japon. Excusez-moi pour la prononciation, c'est Shueisha, Shogakukan et Shoko. Tu veux te moquer de moi, Adrien ? J'ai rien dit. Non, mais je te vois avec ton sourire. donc voilà. En 2007, il s'exporte en Europe avec donc Viz Media Europe. En 2009, il rachète Kazé. Et tout ce qui va avec, donc Kazé qui dit également DN. Et puis voilà. La grosse news qui est, enfin, roulement de tambour, après un mois, merci Adrien, après un mois de discussion, j'ai vu avec la marketing digital manager qui m'a annoncé qu'au final, rien ne change. Ok, tout ça pour ça là. C'est bon, c'était beaucoup trop gros, c'était beaucoup trop incroyable. Non, mais je voulais vraiment teaser la chose pour dire au final. Rien ne change. En fait, rien ne change. Donc, on a toujours le double Crunchyroll ADN. Fiché, ça, parce qu'il y a mon portefeuille. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que eux non plus, en ce qui concerne Viz Media Europe, ils n'ont pas d'infos non plus. Ils savent pas ce que ça va devenir. D'accord. Crunchyroll n'a pas communiqué de ce qu'ils vont faire de Viz Media Europe sur le long terme. D'accord. Ok, ils ont acquéri les droits, mais après, c'est ça. Alors, tu verras quoi. Mais c'est surtout que ça leur permet d'avoir accès à la zone Europe-Afrique. Ok. Donc, en géopolitique, on appelle ça la zone EMA. Et ça leur permet d'avoir un plus large public et de pouvoir exporter donc, les mangas plus facilement en Afrique. Voilà, des sous-sous, tout simplement. Des sous-sous. Donc après, bon, j'ai réfléchi quand même. J'ai essayé de faire des suppositions de ce qui pourrait arriver par la suite. Hein, donc en ce qui concerne... Alors, je pense que soit ils vont tout garder comme ça. Donc on va avoir bien ADN et Crunchyroll qui vont fonctionner ensemble. Ça ne serait pas étonnant. Les Américains ont déjà fait ça, par exemple, avec Disney qui a racheté la Fox. Ils ont Hulu, mais ils ont aussi monté Disney+. Hulu ne va pas être détruit, Hulu reste Hulu, et Disney+, reste Disney+. Donc ils risquent peut-être de faire la même chose avec ADN, sauf qu'ils vont axer peut-être des CNN plus sur Crunchyroll, et peut-être plus des Shonen et Shoujo sur ADN. Après ça, c'est eux qui se voient. Et ils vont peut-être augmenter le budget pour caser en ce qui concerne l'acquisition de droits de manga ou autre. Forcément, peut-être qu'ils vont pouvoir avoir plus de soucis. Ouais, peut-être, ça c'est clair. Ils ont déjà un joli catalogue en vrai. Ouais, franchement. Ouais. Et soit au final, on va arriver avec, au bout de quelques années, une fusion Crunchyroll et ADN. Honnêtement, je pense pas, parce que bon, il y aura toujours des gens qui vont s'abonner à Crunchyroll et ADN, donc ça serait une perte d'argent. En fait, ouais, c'est ça. Tout simplement, perte d'argent, donc ils le feront pas, quoi. C'est ça. Enfin. Donc voilà, ça a été ma grosse news. Comment vous trouvez cette news extraordinaire avec ces infos de fond que j'ai cherchées? Décevante, j'ai eu plus de plaisir avec plutôt le teaser de Kaamelott qu'avec ton teaser pour une news qui au final ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que du coup... Bah, en fait, il n'y a pas de news. C'est ça. La news, c'est que rien ne change. C'est ça. Mais j'ai l'email, hein, je peux... Mais au moins, voilà, on sait on est fixé que même au bout d'un mois, parce que je me suis dit qu'au début, ils ne pouvaient pas forcément communiquer sur les informations, ce qui est normal, la fusion est toute fraîche, ils n'ont pas forcément l'idée ou autre. Mais au bout d'un mois, ils n'ont toujours pas d'idée, en fait. Je comprends mieux quand à off, tu nous as dit, oui, j'ai la confirmation et tout, on m'a dit que je pouvais en parler. Oui, il ne se passe rien, c'est normal que tu puisses en parler. Ouais, d'accord. C'est ça. Il y avait un doute dès le départ. C'est ça. On aurait dû le sentir venir, celui-là. Mais je me suis dit, sentir la chose ou pas, je me suis dit, bon, je tease, ils disent rien, ils ne cherchent pas les infos. Peut-être que je vais réussir à les avoir. Ben oui, finalement, j'ai réussi à vous avoir. T'étais tellement fier pendant ces derniers mois. Ah, je suis à fond et tout. T'es là, il va réussir à avoir des infos en plus. Bah oui, t'en as eu, mais l'info, c'est créer une change. Bon. Voilà. Donc, on pour eux. Ouais. Bah, encore. Ouais, du coup, double abonnement. Par contre, toi qui vas au festival de BD d'Angoulême, si tu veux chercher des infos, bah, pas, hein. Moi j'en ai si vous voulez. Il se passerait. Tatsuhiro Otomo, il signe pas. Ah bon? Ouais. Voilà. Normal, il n'est pas là. Non, c'est Kishiro, l'auteur de gamme, qui devait venir. Après, a priori, il signe pas. D'accord. Il va signer à Paris. Ouais, oui, ouais. Ça, et j'avais. Angoulême, Glénat, et qu'on lui a dit, tu signes aussi Angoulême, il a fait non. Ouais. Non, c'est soit là, mais pas les deux. J'ai pas le temps. J'avais vu l'info passer sur internet. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de visiteurs qui doivent avoir un somme mental. Et je pense que Glénat, ils sont un peu chiés dessus, là, pour le coup. Ouais, alors, je crois qu'il y aura toujours quand même. Bon, on reviendra ouais, après. Ouais, il y a mais... Massano, il y a tout le monde après, c'est sûr, ouais, il y a d'autres personnes. Mais bon, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a des gens qui allaient pour. Oui. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu veux pleurer? Est-ce que je veux pleurer? Oui. Bon. Au moins, tu le savais en avance. T'as pas ramené toute ta collection de gammes à faire dédicacer pour rien. Bah oui, c'est sûr. Le coffret. Oui, mais... Bon, bah si ça sort avant Angoulême, du coup, comme ça, les ceux qui savaient pas, ils sont venus. Normalement, ça sort demain. Ça sort demain. Parfait. Donc voilà, bon, après cette news extraordinaire de non-information, on va pouvoir passer sur Nico et sur la condition de vie des auteurs en France. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc, comme l'a dit Jeff, des auteurs et de la vie des auteurs. Et je vais pas faire de teasing, ils sont tous payés. Voilà, non, je rigole. Il y a pas mal de choses à dire en fait, c'est par rapport aux auteurs, c'est la précarité des auteurs. Il y a pas mal de choses, mais récemment, c'est Jeff qui me l'avait montré, il y a une lettre qui a été faite, c'est quoi, au président du RSE ? Une lettre ouverte au président du RSE, et je pense qu'ils l'ont sorti bien avant Angoulême, histoire que ça fasse bien du bruit. Mais c'est donc c'est suite à cette lettre où j'ai lu et je me suis renseigné, mais l'histoire déjà de cette précarité même des auteurs, c'est quelque chose qui date d'il y a moins déjà 2-3 ans. J'ai vu en renseignant des articles qui datent déjà d'il y a au moins minimum 2 ans, où ça parlait déjà par rapport à Angoulême et des auteurs. En fait, il y avait eu un gros scandale il y a quelques années. Bon, déjà, bon, oui, les auteurs ils sont pas très bien payés, ça c'est sûr, mais tu vas y revenir. Ouais. Et après, il y avait un scandale parce que pour des conventions, les auteurs étaient pas rémunérés quand ils venaient, et il y avait un budget plante. Et ça, ça avait fait un tollé à l'époque. Également des éditeurs qui payent avec énormément de mois de retard les artistes qui font venir. Oui. Et ça, j'en ai eu des échos également, où certains éditeurs, ben, ils peuvent te mettre 6 mois avant de payer pour une conférence que tu fais pour un festival ou autre. Ouais. Et alors, avant de balancer un peu tous les chiffres sur leur vie, en me renseignant un peu, j'ai un peu découvert le fonctionnement de la BD. Lorsqu'en fait on veut sortir une BD auprès d'un éditeur, parce que je connaissais pas trop le fonctionnement et je trouvais ça vraiment pas mal, c'est qu'au départ donc on a l'auteur ou ben, des fois ça arrive toute une équipe qui présente un projet à un éditeur, et donc ils vont présenter par exemple une BD ou un roman graphique, et cet éditeur va donc dire ok et on vous donne des sous. Donc par exemple c'est un article du Libération que j'avais vu, et il disait par exemple pour un roman graphique on va donner 5000 euros donc à l'équipe pour après sinon non c'est je me reprends, non oui c'est ça, pour un album après plus de base avec 80 pages ou un peu plus, ils peuvent donner de 16 000 à 24 000, et en fait donc ces sous, c'est, si tu travailles seul, bah, c'est pour toi pour bosser, mais si t'as une équipe à 3 ou 4 par exemple, entre un scénariste, un qui fait peut-être les décors à la fin, un qui fait les personnages et tout, tu dois diviser tout ça pour chaque personne du coup, et c'est cette avance, c'est un peu ton salaire qui te permet de vivre pour faire donc ton œuvre. Donc après ça dépend du coup du temps que tu mets, si tu mets mais par exemple avec ça, si tu mets 3 mois, ben, ça t'a permis de vivre comme il faut, mais si tu me fais ça sur un an que vous êtes 3, ben, par exemple 24 000 à 3, c'est très compliqué quand même déjà pour vivre par rapport à ça. Et après donc une fois que tu as terminé ton œuvre, que tu as tout sorti, eh ben, directement tu as ce qu'on appelle les droits d'auteur, donc tu as un petit pourcentage. Alors là où ça bataille pas mal, l'article en question disait 8 à 12%, des fois ils disent voilà en moyenne plus ou moins 10. Sauf qu'après, ben, plus tard on verra avec les chiffres, c'est plutôt même au niveau de 7 côté droit d'auteur et même encore moins pour parfois. Ça va surtout dépendre aussi de la renommée de la personne. Tu vois, oui, Marini, à mon avis, va toucher un peu plus que. Oui, après ça se négocie, je pense, sur la durée, sur la popularité de la série. C'est ça. Mais globalement, ouais, c'est plus proche des 8. Ouais, j'avais vu 7. Mais 10, c'est bon, c'est sûr que. Pas un auteur qui sort en premier titre, par exemple, ça c'est sûr. Et donc du coup, chose très intéressante, donc on a ces droits d'auteur qui permettent de toucher les sous, sauf qu'à la mise en vente donc, de la BD du roman graphique, bah, en fait, l'auteur ne sera pas directement payé, parce que bah, l'éditeur, lui, va, avant de payer l'auteur, ben, utiliser sa partie droit d'auteur pour se rembourser les sous qu'il a avancés. Et donc, une fois que cette partie est remboursée, il va payer l'auteur. Donc, par exemple, un des exemples qu'il donnait, si un auteur a, par exemple, 10% donc, sur ses droits, et qu'on lui avance 10 000 euros, pour donner une idée, et que les albums qu'il vend, ben, c'est tout simplement 20 euros l'album, et ben, pour donner une idée, il faut qu'il vende à peu près 5 000 exemplaires de l'album avant de pouvoir toucher donc, les sous par rapport à son album. Ce qui, déjà, 5 000, ben, surtout quand tu commences, ça peut commencer à piquer. Donc, déjà, ça, c'est le fonctionnement de base de la BD. Et le problème, c'est que ça, c'est en plus avec le, que ce soit la BD, parce que là, c'est vraiment BD, plutôt BD franco-belge, que tout ce qui est comics ou manga, vu que c'est plutôt américain ou japonais. Là, c'est vraiment par rapport au monde européen, donc quand t'es créateur européen avec donc, tout ce qui est BD basique. Et le problème, c'est que quand je regarde même moi les BD de base, il y a énormément de BD qui sortent dans tous les sens. Et maintenant, en plus, ben, on a les BD avec le crowdfunding qui sortent en plus. Donc vraiment, t'as tellement de choix que vendre 5000 BD, ça c'est avec les exemples qui est donné, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc ça c'est juste le fonctionnement même des BD auprès donc des maisons d'édition. Parce qu'après bien sûr il y a les auto-éditions comme toi Nico t'as fait pour le manga. Ouais. Où là c'est encore une autre condition. Ouais. Et après donc avec ces différents auteurs, ben ce que la lettre ouverte a balancé, c'est pas mal d'infos qui sont ben, du coup assez choquantes en soi. Parce que, ok, quand on regarde, de toute façon, quand t'es auteur, c'est un métier artistique, donc forcément, ça peut être un peu dur d'en vivre. Mais quand on regarde que déjà, un quart des auteurs donc, ne perçoit aucun avoir, c'est-à-dire son projet n'est même pas financé dès le départ, c'est lui qui doit tout créer sur son temps libre et après présenter le projet pour ben, être payé par la suite. C'est déjà, ça veut dire que ben, t'es obligé de produire. Payer, ouais. C'est ça. Donc soit tu travailles à côté, soit tu fais rien, tu fais que ça, mais donc du coup il faut avoir la chance de toucher le SMIC peut-être pour essayer de faire quelque chose pour bosser sur le projet, ce qui déjà bah, peut être compliqué, même mais si t'as déjà sorti une BD, bah, peut-être qu'on ne te demande pas les sous pour sortir l'album numéro 2 par exemple, donc faut vivre avec le peu que tu gagnes pour après essayer d'avoir la chance, donc déjà un quart qui sont comme ça, ça fait déjà pas mal. On a aussi donc 53% donc, des auteurs professionnels qui vivent en dessous du SMIC, et même donc dans ces infos, il y a 50% des autrices qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Déjà, là, c'est que des autrices. Même après, côté auteur en général, c'est dans les alentours de 30%, si je me souviens bien. Mais être en dessous du seuil de pauvreté, ça fait quand même peur, surtout si tu veux vivre de ton travail. C'est quelque chose où beaucoup... La vie de ta passion, hein, tout simplement. Ouais, hein, vivre de ta passion, de ce que tu fais. Et c'est quelque chose qui touche beaucoup. Mais d'ailleurs, j'ai d'ailleurs l'info. C'est 36%, et ça date depuis longtemps. Actuellement, c'est 36%. Sous le seuil de pauvreté, donc pour 2014 qui était donné. J'ai la stat en 2012, c'était 32%, donc même preuve que cette affaire dure depuis très longtemps. En 2012, il y avait déjà donc 30% qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. C'est déjà énorme. Non, mais ce qui est énorme, c'est que ça augmente. Ouais, c'est ça en fait. Oui. Ça pourrait descendre, on pourrait être optimiste, bah, tu vois. Il y a de plus en plus de personnes sur le marché aussi, et c'est très compliqué de toute façon. C'est un métier très ingrat. Hein. Donc, c'est une poignée d'élus qui en vivent véritablement. Je vous conseille un documentaire qui s'appelle Un monde sans bulles. Mmh. C'est une femme qui a rencontré plein d'auteurs en France et qui a voilà, recueilli les données que tu vois là. C'est un petit film d'une heure. J'ai le DVD, je vous passerai à l'occasion si vous voulez. Les constats sont les mêmes. Et c'est pareil, c'est le film date de 2011-2012. Il est super vieux. Et c'est une enquête qu'elle a menée sur je sais pas combien de temps. Et le constat, oui, il est déplorable. Très très peu de personnes vivent de leur passion. Tu survis si t'as de la chance. Oui, oui. C'est pour ça que beaucoup de gens après se lancent dans l'auto-édition, parce que l'auto-édition c'est plus de c'est plus de logistique à gérer que l'éditeur normalement se charge, ça c'est sûr, mais après tous les sous te reviennent quoi. Donc, ouais. Quoi, tu te le gères toi comme tu le sens, tu es plus libre, c'est mieux, tu t'as pas 10%, t'as 100%, ouais. C'est l'avantage, mais c'est plus compliqué, t'as tout à gérer derrière, c'est à dire que voilà, t'es plus à 100% à créer ton truc, t'as aussi bah, tout le temps derrière toute la logistique à bosser. Mais c'est pour ça que tu as beaucoup plus de gens qui font ça, même des auteurs pros comme je vais citer Maliki là, qui va me venir à l'esprit, qui a été édité chez Ankama, qui a des albums parus en presse, etc. par des éditeurs, mais qui aujourd'hui fait des crowdfunding pour faire ses autres sorties. Alors je te coupe, il y a Elisa Chartier également qui vient de sortir en crowdfunding un portfolio de dessins qu'elle a fait ou autre. Je crois que c'est un portfolio, j'ai pas vraiment suivi le projet à fond, qui est une dessinatrice de comics qui a commencé en France et qui s'est exportée aux États-Unis, qui marche assez bien parce qu'elle travaille avec Marvel et DC. Et pareil, elle a fait un crowdfunding pour fonctionner, pour sortir Je crois que c'est un portfolio, il faudrait qu'on confirme. Après, nous, si on repart sur notre jeunesse, c'était un média qui avait bien marché par rapport au crowdfunding. C'était Noob avec la sortie des BD, qui après, donc il y a eu les livres, les romans et tout ça, ça a été aussi de l'auto-édition tout du long. Ouais, mais c'est différent, ils ont tellement bien financé le premier, le film, qu'ils ont pu en faire une trilogie et lancer tout le reste d'ailleurs. Oui, mais c'est pareil, c'est quand même tout un tas, une preuve de l'auto-édition où justement, avec tout. Parce que même bien avant le film, Noob, ils ont quand même sorti les romans. Mais quand tu regardes, c'est avec ça où ils ont créé leur propre entreprise pour gérer tout ce qui était édition et tout ça, tellement ça a marché. Après, ça reste petit. Hein. C'est petit. Là, ils signent plus. Par exemple, les mangas, ils avaient ouvert un tout petit peu le truc. Je crois qu'ils vont arrêter. Et bon, après voilà, ça cartonne pas partout non plus. Mais après, eux, ils ont une grosse fanbase. C'est la communauté. Ils comptent sur le fait que la communauté soutient tous les produits dérivés globalement. Donc là, ils ont de la chance, mais ça marche pas pour tous, oui. Et c'est pas tout le monde. Il y a des trucs que genre Visiteurs du Futur qui avaient pas trop marché en BD, alors que. Enfin, ouais, on a vu de tout. Oui. Il y a plein de trucs. On peut même parler des maisons d'édition qui s'amusent à faire des crowdfunding pour acheter des droits. Bon, ça, c'est plutôt le comics. Bliss ou Snorlu qui font des crowdfunding pour essayer de financer des droits, sorties, des suites, comme par exemple Animosity qui est en cours actuellement chez Snorlu, et Bliss qui a fait ça avec énormément de leurs comics également. Ils achètent des droits, mais voilà, c'est en fait l'avantage de l'auto-édition ou faire le crowdfunding, c'est que ça laisse le choix à la personne. La personne peut mettre des yeux et des ronds et peuvent avoir également du bonus suivant combien d'argent ils mettent. Oui, c'est un fonctionnement qui plaît beaucoup et qui cartonne. De toute façon, on le voit de plus en plus. Et puis, c'était quoi, là, tous les youtubeurs, là, les FDP de Tubionia qui a récolté pour sa première BD à l'époque plus de 400 000 euros, là, c'était le plus gros crowdfunding pour une BD ou un truc comme ça, je crois. Enfin, c'est 400 000 balles, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et donc, du coup, comme vous expliquiez tout à l'heure, où beaucoup, donc justement, réclament ou sont payés en retard, et dans les statistiques, ils disent quand même que 60% des auteurs doivent encore réclamer leurs droits sur les ventes. Et là où c'est pas mal, c'est que donc, dans ce pourcentage, on a quand même 52% des auteurs qui touchent même pas leurs droits sur les ventes à l'étranger. Et même donc, ce qui est dit, c'est que même 24% d'entre eux, c'est eux qui ont pris connaissance de la vente de leur œuvre à l'étranger, mais ils l'ont appris par eux-mêmes et même pas par l'éditeur. L'éditeur n'était même pas informé sur les ventes à l'étranger. Ils font leur marché à eux, ils vendent les licences, mais l'auteur touche quasiment rien là-dessus. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'affolant, je trouve, de que l'éditeur se fasse les sous derrière et que l'auteur, lui, ne soit même pas au courant et qu'il n'y touche rien. Ça, je pense que ça doit jouer aussi par rapport au caractère de l'auteur. Les auteurs sont souvent solitaires. Ouais. Je pense pas qu'ils sachent tous comment fonctionne un contrat d'édition, etc., qu'ils ne se rendent pas trop. Ils sont contents de signer et de faire leur BD professionnellement et qui osent pas trop se manifester, etc. Je pense qu'il y en a d'autres qui ouvrent leur gueule dès le départ, qui se renseignent très très bien, qui se font pas avoir. Après, t'en as d'autres qui, c'est même pas ça leur traverse l'esprit, quoi. Ils se disent juste, je dessine, je suis payé, je peux vivre globalement, je peux m'acheter mon truc et payer mon loyer. Et ça, c'est triste. C'est très très triste. Que du coup, les éditeurs, après, il n'y ait pas cette éthique-là de dire, voilà, t'as vendu tant, donc maintenant, on a remboursé l'avance sur droit, t'as tes royalties, hein, ou on vend à l'étranger, du coup, t'as des droits, etc. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais bon. On va pas changer le monde, malheureusement. On peut également parler des droits qui vont partir au cinéma, aux séries télé, compagnie, à mon avis, ils doivent toucher quelque chose, mais pas forcément une part extraordinaire non plus. Oui, c'est sûr. Ça dépend, j'imagine. J'en sais rien du tout. Ouais, ça va là-dessus. Après, donc, juste pour terminer, vu que le monde de la BD, c'est quand même un métier qui est artistique et c'est surtout de la passion, c'est pas trop suivi par des contrats, et donc c'est vrai, en fait, je connais pas les contrats en fin de base qu'ils doivent signer ou autre, mais vu que tu dois sortir ta BD, tu te gères un peu toi. Mais c'est vrai que ce qu'ils expliquent, quand même, on a 55% donc des auteurs qui travaillent quasiment tous les week-ends, ou au moins 3 week-ends sur 4 par mois, ce qui déjà est pas mal, et en plus 80% n'ont pas de congé maladie, 80% n'ont même pas de congé maternité, ce qui fait que, vu que t'as pas de contrat où tu dois te gérer toi-même, tu peux pas te prendre de temps de repos, t'es obligé de travailler à fond pour... En fait, t'as pas d'assurance. Ouais. T'as pas de retraite, t'as pas de chômage, t'as rien du tout, tu cotises pour que dalle. Donc quand t'as de l'argent, tu le mets de côté et tu fais attention si tu peux faire attention. Mais il faut pouvoir faut avoir une certaine somme, c'est sûr. Après, pour généraliser, c'est un peu le statut d'auto-entrepreneur là, dans ces cas-là. N'importe quel auto-entrepreneur n'a pas tout ça. Ouais, mais t'as quand même t'as le RSI, tu cotises à une caisse, machin, truc spécifique, les auteurs, pas du tout en fait. D'accord. Vraiment, t'as que dalle. Ah, vraiment que rien. Ah ouais, j'en ai parlé à Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland en France là. Lui, il est, bon, ça va, il tourne bien, il vend bien, etc. Et donc il est bien payé, il a bien négocié ses contrats, bref, il s'en sort, et tant mieux pour lui. En plus, il a un bon rythme de publication globale, ça va. Donc ça marche bien, mais on en avait parlé vite fait. Et, par exemple, voilà, il cotise pour rien du tout. Donc. En plus, il n'est pas du genre à mettre de côté, si je me rappelle, de la discussion qu'on avait eue. Donc, en gros, voilà, c'est vraiment au jour le jour. Et après, comment ça fonctionne, comment t'es payé? Donc, t'es payé en avance sur droit. Et en fait, en effet, t'es, imagine, tu signes pour un manga, là, tu signes pour 12 000 balles. Tu te gères, en effet, t'es payé à la planche, en gros. Ouais. Tu te dis, bah, ma planche, elle vaut, je sais pas, 55 balles, 60 balles. Et du coup, t'en fais tant par mois pour te retirer un salaire convenable, en gros, pour pouvoir vivre. On va dire que c'est à peu près ça. Et après, c'est pas évident parce que tu travailles avec ton propre rythme. On travaille pas à la japonaise. Je parle pour un manga, bien évidemment, là. On ne fait pas un chapitre de 20 pages hebdomadaires. C'est pas le même travail de toute façon. Donc, c'est beaucoup plus long. Et en effet, j'ai eu, moi, des échos de retard de paiement, etc. Donc, toi, tu taffes, t'envoies tes planches. T'as pas de nouvelles. C'est compliqué. Comme tu es pour, donc, il y en a qui complètent avec un RSA à tomber du camion. T'en as qui travaillent à côté quand tu peux trouver le temps. Mais c'est un métier chronophage incroyable. Donc c'est un milieu guidé par la passion, et c'est ça qui est triste, c'est que les gens en profitent, quoi. D'un côté, t'as le public qui te dit ouais, bah, tu dessines, t'es content, ferme ta gueule. Ouais. Ça va, tu fais ce que t'aimes. Oui, d'accord, mais voilà. Et les éditeurs, après, ils s'en foutent un peu, quoi. Ah, oui, les gens, ils s'en rendent pas compte. Ouais, non, mais c'est le public encore gentil. T'as aussi le public qui arrive, qui te dit tiens, fais-moi un dessin, merci, ciao, au revoir. Merci, pas rien. Que... Ah, non, mais c'est autre chose, ça, encore après. Oui, non, mais dans le milieu, quand t'es pro, moi je suis pas pro du tout, hein, mais quand t'es pro, ouais, t'as des gens pour te sortir ce genre de discours. T'as des amoureux de la BD, je dis pas, hein, mais t'as des gens qui comprennent pas. Dès le moment où tu vis de ta passion, c'est très compliqué. Donc si t'arrives pas à bien en vivre, bah, c'est presque normal, parce que c'est ta passion, justement. Si c'est ta passion, t'es content de. T'es content de ne pas porter des charges tous les jours, t'es content de ne pas faire un boulot qui te casse les tutes. Mais bon, il faut comprendre que c'est de l'investissement personnel, c'est du temps, c'est du travail, c'est très chronophage, donc faut respecter les auteurs un maximum, en tout cas, et reconnaître leur travail à leur juste valeur quand c'est possible, quoi. Il y a de la merde qui sort, je dis pas de temps en temps, mais malgré ça, les gens ils passent du temps dessus, puis tout est subjectif. Mais en termes de sous, oui, clairement, les auteurs sont pas bien payés. Il y a plein de galères. Je pense que là, pour Angoulême, en effet, il va y avoir des choses qui vont se faire. Il y a la ligue des auteurs qui commence à faire des trades sur Twitter pour balancer un peu ce qui se passe. Surtout quand t'as des grands patrons de maisons d'édition qui se vantent justement de faire des chiffres à la hausse en termes de business, etc. Ouais, on a vendu tant, on a fait tant, etc. Et les auteurs sont en train de crever la dalle. Bah, il y a des gros soucis, ça c'est clair. Mais de toute façon, ça va remonter à chaque fois, mais... Est-ce que ça après, va... tant que ça bouge pas, quoi. Ça, c'est compliqué. Ouais. Bon, voilà. Sur ce, on va peut-être passer à l'interview. Donc voici notre troisième partie de ce débat comics pour commencer l'interview. Donc du coup de Nico sur ce manga. Donc si tu peux te présenter en quelques mots, présenter ton manga. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Pour commencer. Moi je m'appelle Nico. je vais pas en dire plus, ça sert pas à grand chose en vrai. J'ai créé un manga qui s'appelle Crying Girls, qui est un manga en 3 tomes terminé. Un projet que j'ai débuté en 2015, un peu sur un coup de tête. Enfin, je dessine depuis toujours, mais je me suis dit, allez, est-ce que tu peux faire un manga? Et est-ce que tu peux faire un manga en 3 tomes avec une histoire complète? Voilà, c'était le challenge que je m'étais lancé. Et j'y suis arrivé au bout de 4 ans, du coup. Parce que je suis devenu papa entre-temps et ça m'a pris du temps. Ouais, ça m'a coupé un peu dans les dents à la fin du volume 2, là. Et voilà, et donc c'est une comédie romantique, humour, voilà, shonen, principalement. Et voilà, et ceux qui l'ont lu, a priori, ont apprécié. Oui, très. Donc, voilà. Je confirme. L'autre Nico et moi-même, du coup. J'ai pris une sacrée claque. Bon, ça reste classique, j'ai pas envie de le survendre non plus. Ouais, mais j'espère avoir fait un bon travail. Mais pour l'avoir lu, il y a quand même pas mal de trucs où on ne s'y attend pas. Et surtout pour 3 tomes, où c'est assez, c'est vraiment pas mal géré. Ben, en fait, ouais, t'as bien réussi justement... en 3 tomes à faire vraiment une histoire complète où à la fin on n'est pas en dedans à se dire ah, peut-être qu'on veut on y manque des choses tout ça, non c'est vraiment moi à la fin je voulais la suite en fait surtout. Oui à la fin on veut une suite, ça c'est sûr. Très clairement, mais mon objectif c'était de pouvoir faire voilà, que l'histoire tienne en 3 tomes oui. Parce que c'est un segment de vie en vrai sur ces 3 tomes, il se passe pas beaucoup de temps en vrai quand on y réfléchit. Mais en effet si j'avais voulu et pu continuer, ce n'était pas le cas, j'aurais pu en effet faire plein d'autres volumes, plein j'exagère, mais j'aurais pu en faire un ou deux de plus facilement, vu que c'est une comédie romantique et qu'il y a plein de codes spécifiques à ce genre. Il y a plein de trucs que j'aurais pu faire par-ci par-là, bien évidemment, pour le faire. J'ai fait quand même quelques codes, il y a la fête de l'école, il y a la sortie à la plage par exemple. Voilà, il y a quand même des codes que j'ai respectés, que je voulais mettre dedans absolument. Mais oui, j'aurais pu continuer plusieurs chapitres encore, si j'avais eu la foi. Donc du coup après je voulais savoir pourquoi du coup tu as voulu faire un... qu'est-ce qui t'a inspiré à faire un manga sur le Slice of Life Slice of Life ouais c'est ça Slice of Life mon anglais est très toulousain ouais, c'est pas évident tranche de vie tranche de vie c'est ça non. Pourquoi j'ai voulu faire ça, alors je dessine depuis que je suis gamin et je faisais souvent j'écrivais souvent des histoires d'aventure, de fantasy, etc. Mais j'aimais beaucoup la comédie romantique et je voulais faire un truc de tranche de vie. C'est un genre qui me plaisait bien, que j'avais déjà un peu testé, sur des mini-trucs comme ça. Et je suis parti là-dessus parce que ça me semblait le plus simple pour faire en 3 tomes. Ouais. Parce que j'ai repris encore une fois des codes un peu japonais. C'est-à-dire que c'est un manga qui se passe ni en France ni au Japon. Ouais. Ah mais c'était une de nos grandes questions. Ah ouais. C'est un peu des deux en fait. C'est-à-dire qu'il y a le côté uniforme japonais oui, du coup, qui me permettait de simplifier le design des personnages et après d'utiliser des archétypes un peu typiques, c'est-à-dire le garçon pervers, la fille timide, la fille colérique, etc. Des archétypes, même si après je pense ne pas être trop entré dans le cliché. Non, franchement. Non. Mais voilà, j'ai utilisé des archétypes comme ça et je pensais que c'était le plus simple pour arriver au bout du challenge, parce que j'étais vraiment pas sûr de faire 3 volumes, hein. C'est un miracle. Et puis c'est un genre que j'aimais beaucoup, il fallait juste que je trouve voilà, la petite touche, et du coup c'était ce mec qui fait pleurer les filles, c'était le petit point de départ. Alors bon. Une petite question, quel est ton... Bon, vu que t'as mis les mangas tranches de vie, c'est quoi ton manga de référence dans cette catégorie? Alors le manga de référence c'est Eyes, de Katsura, celui qui a fait Zetman, Videgirl AI, etc. Donc c'était un shonen à l'époque, il est vieux. C'est un garçon qui est amoureux de la fille de son école et ils vont se rapprocher via un club de théâtre ou un truc comme ça. Et au fur et à mesure, ils vont commencer à sortir ensemble. Puis après, ça devient un peu un harem manga, mais pas trop. Ouais. Et c'est assez réaliste dans les relations. C'est un truc qui m'avait marqué, c'est que c'était assez réaliste. C'est qu'il y a des trucs un peu typiques, pareil, mais c'était assez réaliste. Et après, je venais de terminer Nisekoi aussi à l'époque. Ah oui, j'ai terminé. C'est pour ça que graphiquement, dans le volume 1, c'était quelque chose que j'avais voulu aussi, parce qu'à la base c'était pas voulu pour être en papier, c'était pas le projet, mais les personnages, je voulais qu'ils aient des coupes de cheveux très simples, et dans Nisekoi c'était un peu le cas, des trucs très rapides à dessiner, et du coup les gens qui connaissent Nisekoi, ils me disent souvent « Ah, ça fait penser un peu à Nisekoi », bah du coup c'est une référence que j'ai eue, okay. Même si après au niveau histoire ça n'a rien à voir. Mais je l'ai pas révélé le clin d'œil à Nisekoi, mais oui je l'ai regardé ça... Bah, la coupe du cheveu du héros par exemple est un peu proche, même si c'est pas trop la même. La coupe de cheveux de Clara, le personnage un peu timide, ressemble aussi au personnage de Onodera qui a les cheveux un peu plus longs sur le côté, même si ça c'était pas trop voulu, mais dans le caractère c'est que c'est un peu proche, mais c'est tout quoi. Après ça va pas plus loin que ça, mais voilà la référence ultime ce serait Eyes, je pense, de Katsura. Ok bon, très bien. Et ben justement, on en a discuté avec Nico juste avant que tu arrives sur ce mélange de culture entre la France occidentale, français et japonais. Et c'est vrai que du coup, on était là, attends, ça se passe où et tout. Alors, c'était fait exprès de pas savoir où ça se passe. C'était fait exprès. Parce que le côté uniforme, vu que c'est une école privée, je me suis dit, ça va dans les écoles privées. Mais ça se fait de moins en moins en France, c'est pour ça. Même dans les écoles privées en France, tu le vois quand même. Mais du coup, c'était drôle et en fait c'était quand même bien amené ce mélange des deux. On se disait ah tiens ça c'est typiquement japonais, ça c'est... En fait c'est, je pouvais pas partir sur un truc japonais parce que je suis pas japonais donc je sais pas comment fonctionne véritablement l'école et l'image que je peux en avoir sera véhiculée que par des mangas. Et du coup bah, j'ai retiré quand même quelques petites choses des mangas que j'ai lus, c'est à dire le fait qu'il y ait un bureau des délégués, ce qui n'est pas le cas en France. Le fait qu'il y ait un uniforme et le fait qu'il y ait des festivals un peu qui organisent des écoles, c'est des trucs que j'aime bien, j'aurais voulu qu'il y ait en France. Des fois il y a un film kermesse à la fin de l'année, la kermesse, voilà, mais bon, elle est un peu claquée, voilà. voilà, c'est des trucs comme ça, les sorties scolaires, il y en a vite fait, mais alors c'est vraiment dans une auberge planquée, tu vas au du fou, je sais pas où, il y a pas la sortie à la plage avec des maillots de bain, tu vas pas glisser avec l'auberge de jeunesse, clairement pas. Donc il y a des trucs comme ça que j'ai voulu reprendre, mais après ça se passe en France dans d'autres sens, c'est-à-dire avec les conseils de classe, la prof qui quand même dirige le truc, le fait qu'ils aient tous des prénoms français. Et après en termes de décor, je me suis inspiré de Saint-Cernin, le lycée privé du coup, parce que en plus c'est une école privée pas loin. Saint-Cernin c'est un truc à Toulouse, hein. c'est une place, c'est une église. Et du coup, je suis inspiré de l'église pour faire une partie du décor de l'école. Donc voilà, je voulais un peu mélanger les deux trucs pour que... Voilà, les Toulousains, à chaque fois, ils me disent « Mais c'est Saint-Cernin !» Et du coup, là, il y a un peu mélange des cultures, parce que c'est la culture japonaise, forcément, m'intéresse, et j'adore ça, et ça fait rêver. Mais du coup, je voulais pas que ce soit totalement pro-japonais, donc ce n'est pas le cas. Mais on sait pas trop, là. C'est ni en France, ni au Japon. C'est appréciable, franchement. C'est ça, on rire, là, moi, par exemple, quand on était là, on dit ouais, un peu France, Japon, on était là, ouais, c'est quand même France. Je regarde tome 3, ah non, Onsen, oui, non, ça c'est pas français. Ouais, c'est typiquement Onsen aussi. Oui, c'est pas, ouais. Parce que j'ai regardé, il y a des sources thermales en France pour le coup. Les établissements, il y a des gîtes avec des sources thermales, etc. Ouais. Est-ce que les gens ils vont tout nus? Non, mais lui il fait l'erreur comme un abruti, c'est pour ça, mais c'est pour le gag. On spoil. Mais non, en effet. Non, après, une autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est tes mini hors série du coup, dans chaque tome. Et en plus, par des dessinateurs différents. Dans le tome 3, c'est ce que j'ai voulu, ouais. Ouais. En fait, c'était des arcs narratifs que je pouvais pas mettre dans le manga, en fait, ça serait mal inclus. Mais c'est des choses que je voulais raconter parce que ça a développé des personnages, situations un peu spécifiques, etc. Et du coup, il y en a deux dans les deux premiers volumes. Et il y en a 4, je crois, dans le tome 3. Et en plus, ils sont bien amenés dans le tome 3 parce que du coup, ils sont entre les chapitres. Ouais, là, pour le coup, je les ai pas tous mis à la fin comme les deux. Ouais. Là, je les ai mis entre. C'était une super idée, du coup. Parce que ça faisait. À chaque fois, j'essayais de faire en sorte que c'est un rapport avec les personnages qui avaient interagi un peu plus dans le chapitre en question. Et ça me semblait plus légitime. Et donc, pour le dernier volume, moi, j'ai contacté des auteurs que j'aimais beaucoup, des auteurs indés. Que tu connaissais déjà, que vous avez déjà discuté, ouais. Ouais, c'est des gens qu'on se suivait mutuellement sur nos séries, parce que c'est publié sur Internet à l'origine, tout ça. Ok. Et du coup, je les ai contactés en disant, ouais, est-ce que c'est possible de faire un hors-série, je scénarise et tu dessines, etc. Et du coup, ils ont accepté. Il y en a certains qui a eu des petits soucis, ça n'a pas pu se faire. J'ai pu les avoir autre part, il y en a qui ont pu faire des pages couleurs par exemple dans le tome 3. Ah oui, alors les pages couleurs c'est une super idée aussi. Voilà, j'ai essayé en tout cas. Sur les scénarios de tes mini-séries, est-ce que tu leur disais une grande ligne sur leur série ou est-ce que tu faisais plus. Tu travaillais plus quand même sur. Non, tu leur envoyais un storyboard. Non, j'ai pas envoyé de storyboard. Pour le coup, non, ça m'arrive, je peux travailler comme ça, mais là c'était pas le cas. Vu que c'était des gens qui connaissaient quand même la série, qui la lisaient, c'est des gens qui ont suivi vraiment pour le coup, donc ils connaissaient les personnages, je leur ai proposé les personnages, ils m'ont dit oui, et du coup là j'écrivais le scénar, donc j'écrivais la situation de base et j'écrivais les synopsis par page. En gros, chaque hors-série fait 7 pages. Et du coup je scénarisais page par page avec je disais voilà il se passe ça et voilà ce qu'ils se disent et après mise en page comme tu veux, je leur disais par contre si jamais tu bloques ou si t'as un souci de mise en page tu sais pas trop tu me montres et du coup ça a pu arriver dire bah écoutez là je vois plus une grande case là faut mettre plus ça en valeur ça a pu arriver mais pas forcément je crois pas, je pense pas être trop revenu dessus. C'est peut-être sur le dernier hors-série, celui sur Jay qui est en couleur. Voilà. je préférerais ça comme ça. Jay, c'est vraiment le personnage c'est... qui un des personnages qui m'a le plus surpris. En fait, c'est ouais. C'est, ah ouais, franchement. C'est le personnage qui suit, au début. Ben, Jay, en fait, c'est le personnage typique du gros pervers. Comme, c'est ça. Et en fait, et tu te dis, troisième tome, il se passe le truc où tu te dis, bah en fait, il est. En fait, tu... au début, tu te dis, oui, c'est un personnage ça. Mais en fait, au troisième tome, tu t'y attaches. Tu perçois le truc et tu t'y attaches. Pour un personnage pas lambda, mais un personnage qui est là et qui a son rôle à jouer, qui a son caractère. Oui, et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe et compliqué. C'est vrai qu'il passe pour le gros pervers, mais en même temps que tu vois que c'est le président délégué qui veut aider tout le monde. Pourquoi c'est le président alors que c'est un gros pervers déjà en plus? Non, mais je titille un peu avec le hors-série dans le volume 1, du coup, la fin du volume 1 sur Jay, justement. Ouais. Et après, ouais, je le retravaille dans ce volume 3 pour lui apporter une conclusion digne de ce nom, son arc narratif, ouais, etc. C'est très réussi d'ailleurs. Ouais, tant mieux. Je sais que c'est un personnage qui est très apprécié pour le coup, donc ça me fait plaisir d'avoir bien su mais même, faire quelque chose. L'évolution des personnages, même tout le long de ton histoire est vraiment travaillée. Tu vois que tu as vraiment mis. T'as voulu vraiment amener. De la profondeur à chaque personnage, oui, et pas c'est... que le personnage principal. Ouais, ce qui est sympa, c'est très humain, parce qu'à chaque situation, il y a une intrigue. Mais en fait, il y a une explication, même s'il y a des trucs qui peuvent te dire, mais c'est dégueulasse. En fait, il y a un truc tellement humain, tellement beau sur les raisons, des fois, des choses qui se passent, qui tu te dis, ok, on peut l'accepter. Enfin, tu te c'est dis, acceptable, tu peux pardonner ou pas, tu peux l'accepter ou pas. Mais c'est tellement humain et vrai que. En fait, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire des arcs narratifs qui soient pas tirés par les cheveux. Il n'y a pas de truc ultra fantastique ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont des réactions assez vraies, en fait. Ouais, je pense que c'est des choses qui pourraient vraiment arriver. Même pour des lycéens, en plus. Ouais, voilà, j'essaie de pas trop rentrer dans... Il y a un peu de drama. Par moments, ça reste une comédie, majoritairement, mais il y a un peu de drama dans le deuxième tome et dans le troisième tome. Mais je pense que c'est des vrais trucs que je pense que les gens peuvent vraiment vivre, pour le coup. Ouais, surtout au lycée. Lycée, clairement. Donc tant mieux si j'ai réussi à transmettre ça fait plaisir, quoi. Et les pages couleurs, du coup, c'est une demande plus des lecteurs ou c'est toi qui as voulu mettre un petit plus En fait, c'est moi, parce que vu que c'est financé via du crowdfunding, ouais. Quand le financement a été atteint, moi j'ai proposé, j'ai dit ouais, est-ce que des pages couleurs ça vous dirait, etc. Donc dans le volume 1, ce sont que des fanarts que j'avais reçus. Ouais. Les fanarts, c'était des fanarts de gens que tu connaissais ou... bah de lecteurs. De lecteurs, d'accord. C'est pas des gens que je connais dans la vie de tous les jours, mais c'est des lecteurs du coup qui m'envoyaient leurs dessins. Il y en avait de très beaux en plus. Ben, celle que tu as justement présentée pour la couverture de ton chapitre, je crois que c'était dans les premiers chapitres où tu as mis un fanart. Je crois que c'était dans le premier. Oh, je sais plus, mais bon, oui. Ouais, qui était vraiment très. Il y a des gens très talentueux. Mais globalement, j'avais fait ça, et après, dans le volume 2, je me suis dit, je vais plutôt mettre des pages couleurs pour les pages, chose qui a plus de gueule. Mm. Et en plus, du coup, il y en avait 8 aussi dans le volume 2, et du coup, là, j'en mettais 2 par-ci, 2 par-là, etc. Donc ça fait plaisir, au début d'un chapitre, c'est en couleur, c'est chouette. Et dans le volume 3, du coup, il y en a 18, je crois, pages couleurs, 18 ou 20. Mais franchement, déjà, c'est le dernier chapitre déjà de Jay où c'est tout en couleur, si je me souviens bien. C'est ça. Et après, c'est souvent un début de chapitre où il y a 2-3 pages. Mais c'est super, enfin, c'est une bonne idée, c'est bien. J'ai contacté en fait des gens que je trouve qui font des super couleurs en numérique pour. Du coup, comment c'est travaillé, du coup, les pages? Ça dépend, tu vois, par exemple, ça c'est moi qui l'ai fait, tu vois, c'est du tradi, c'est au Copic et à l'aquarelle. Et ça, c'est au numérique, ça, c'est Elsen qui me l'a fait. Il y a Alan Heller qui a participé aussi, qui avait bossé chez Ankama à l'époque. Il y a Wisteria, qui fait un manga indé, qui m'a fait des pages couleurs où ils sont à la plage, là, qui sont très très jolies. C'est celle-ci. Ouais, ouais. C'est très... J'arrive à trouver les bonnes pages à chaque fois. c'est le talent. À tourner, tu verras... Hop, entre les deux, là, bien évidemment. Voilà, parce qu'il y a de la fière maillot de bain, c'est pour ça. Je précise, il y a des fières maillot de bain. C'est qui le dernier mec qu'a lu? Mais voilà, c'est une très jolie couleur. C'est toi, Nico. Vous avez vu, j'ai rien sorti. Non, mais voilà, j'ai contacté du coup des personnes pour qu'ils puissent taffer dessus. Ça me fait plaisir, en fait. Mmh. Je les ai rémunérés avec l'argent du Hulu. Okay. Donc ça fait plaisir. Ouais. Donc voilà, c'est pour proposer un volume à chaque fois de meilleure qualité. Ah ouais, voilà, je trouve que c'est une plus-value d'avoir quelques pages couleurs par-ci par-là. Voilà, à chaque fois j'essaie de soigner parce qu'à l'origine ça n'avait pas du tout vocation à être publié en format papier. Ouais. Donc, c'est ce que tu nous avais dit là, lorsqu'on t'a rencontré de façon au TGS, que le premier tome, tu l'avais donc publié sur Internet. Ouais, c'est ça, le premier tome. Et alors, les trois tomes étaient publiés sur Internet. Les trois tomes sont publiés sur Internet. Il n'y a juste pas la totalité du tome 3, qui est uniquement en version papier. D'accord. Il n'y a pas le dernier chapitre, ni l'épilogue, les bonus de fin, etc. Ok. Mais globalement, après, tout est sur Internet. Et à l'origine, ouais, voilà, le tome 1, il était publié. Je publiais une page par jour. Je faisais une page par jour. D'accord. Et à la fin, les gens m'ont dit il y aurait une version papier et tout. Mais d'où fait un Ulule. Un Ulule, d'accord, ok. Je me suis renseigné. Du coup, j'ai fait ça un peu au pif. Okay. Et à partir de là, c'est bien marché. Du coup, j'en ai fait un par volume, tout simplement. Ouais, c'est une galère, mais ça fait plaisir. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est un vrai plaisir d'avoir son bouquin dans les mains. J'essaie vraiment de jouer le jeu à fond. J'ai fait le bon format, j'ai fait le bon papier. J'ai fait une couverture repliée, etc. Et pour le dernier tome, j'ai pu faire un coffret qui m'a coûté une blinde. C'était une galère, mais ça vaut le coup. Ça a ça vaut vraiment le coup. Pour un truc indé, amateur, c'est vraiment content. Ouais, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment... Voilà, c'était le but. Beau. Alors, une grande réussite, franchement, en tout cas, que ça soit... c'est ça, la présentation du coffret, des tomes. Tu vois que c'est de la qualité, franchement. Tu vois ça en librairie et tout, tu dirais, oui, c'est du basique, ça donne des éditeurs. C'est vraiment du bon travail. En tout cas, j'ai essayé, quoi. C'est réussi. Pour information, pour ceux qui nous écoutent, on va prendre des photos des tomes et des coffrets, vous pourrez les retrouver sur nos réseaux sociaux. Qu'on communique. Parce qu'on dit que c'est très beau, mais les gens ne voient pas, c'est un podcast. On pourra montrer même quelques petites pages couleurs et tout. Voilà. C'est pas de soucis, ça. Et Jeff, t'as quelque chose à rajouter? Non, rien. Moi, je suis le seul à ne pas l'avoir lu, malheureusement. Donc, ça m'est compliqué. Ce sera le moment. Je te le prêterai ou tu le commanderas. Voilà. Non, mais c'est pas un problème, je comptais le lire. J'en lis beaucoup des mangas comme pour ça. Pour filles, oui. Alors, la plupart des mangas que je lis, d'accord, ce sont soit des seinen, soit des shonen sur cette catégorie qui est la tranche de vie. Il n'y a pas que des shoujo en tranche de vie. T'inquiète pas, je te taquine. Maintenant, c'est plutôt un shonen pour le coup. Enfin, quand c'est des comédies romantiques avec un héros en garçon, c'est considéré comme Nisekoi, c'est considéré comme un shonen. Ouais, mais la plupart du temps. T'inquiète pas, j'étais un grand fan de l'anime Urana High School, qui est un truc complètement pour gonzesse, alors je te taquine. Non, mais c'était quoi ça? C'est vieux, je suis un peu loin de l'histoire, mais c'est un truc où c'était pareil, un personnage, je crois, masculin. Qui était dans une école, il était tout le temps entouré de filles et tout, c'était marrant, c'était drôle. Il y avait les harem manga. J'ai voulu éviter le harem manga, justement. Donc, il n'y a pas de filles qui tournent autour du héros. Ouais, c'est vrai. C'était pas le propos. Non, mais ouais. Alors, moi, grande question, du coup, comment se le procure? Parce que même moi, ça m'a donné envie. C'est une des questions que j'ai posées. Comment se le procure? C'est compliqué. Ben, c'est compliqué, oui et non. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux et on s'arrange concrètement, c'est ça. Et après, je fais le TGS, je participe au TGS normalement chaque année, même si je suis toujours dans des endroits un peu planqués, parce que c'est pas mon travail, je fais ça sur le côté. J'arrive toujours à m'incruster quelque part, mais c'est toujours dans des endroits un peu flingués où il n'y a personne. Vous étiez passé, vous avez bien vu, j'étais dans le trou noir du festival, c'était assez incroyable. Et même, je crois que le deuxième jour, tu n'es plus au même endroit. Ouais, je suis parti autre part, mais ça n'a pas été beaucoup mieux en vrai. Mais j'ai fait des bonnes rencontres, donc c'était sympa. Mais à chaque fois, je suis dans un endroit ultra flingué. Bah, heureusement, nous, en fait, on est passé, je crois que c'était dans la matinée, où il n'y avait pas encore beaucoup de monde, et du coup, on avait fait vraiment un grand tour et on avait pu te croiser. On tombe sur moi par chance, en fait. Vraiment, on peut le dire en fait. C'est vraiment par chance parce qu'on ne cherchait pas et puis on a vu ça. J'ai fait. Regarde, il y a des mangas. <C'est ça. rire> après, vous me contactez sur les réseaux et sinon en convention, si je fais des conventions. Je crois qu'il y a la PopCon, je sais pas du tout si je la fais par exemple. Je saurais peut-être une semaine avant, il y a de la place pour moi quelque part. Oui. Et je serai là quoi. Mais après, une fois que c'est fait, je communique sur mes réseaux sociaux pour dire je suis là, venez me voir. Il y a Hoche dans. Ah aussi. Oui. Alors nous on va, nous on va y être. Je voulais en parler en fin d'émission, mais Adrien me. C'est le moment. alors j'attrape juste les notes sur ce festival. Qui s'appelle le Hoche Otaku Festival, qui est un festival Otaku à Hoche. Otaku à Hoche, merci. C'est cela. Où nous, on y sera avec une table. On va faire des animations durant le week-end. Alors, je ne sais pas si on va faire un podcast géant ou si on va faire une conférence. Tout ça, c'est en cours de discussion. Mais vous pourrez nous retrouver. Et puis, bon, si tu ne sais pas quoi faire le dimanche, écoutez, les gars, on peut te laisser une place. Et sinon, après, tu peux les contacter. Ils sont ouverts, quoi. Hein. Ouais, c'est après, moi, c'est vraiment, j'ai pas le temps. C'est pour ça que moi, il faudrait que j'aille voir des éditeurs pour proposer des trucs, pour qu'ils s'occupent de tout ça. J'ai pas le temps parce que moi, je travaille. Après, j'ai une vie de famille, dont un enfant depuis 2 ans et demi maintenant. Oui. Donc, je dessine sur le côté quand j'ai le temps. Là, j'ai pas dessiné depuis 1000 ans à peu près. Enfin, j'ai fait quelques croquis il y a pas longtemps, mais voilà. Mais c'est très très compliqué après de gérer tout ce qu'il y a autour. C'est ultra chaud. Donc, c'est vrai que j'ai pas le temps. C'est pour ça que je m'incruste en fait plus qu'autre chose la plupart du temps. Un peu comme là. Il y a de la place, tu veux venir? Oui. Oui. J'ai rien à faire. Je serai me ramener, dessiner, c'est parfait. Mais voilà, donc pour me trouver, voilà, dans des conventions, on m'invite éventuellement. Et après sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Très bien. Moi, je voulais juste en revenir sur. Plus ton histoire à toi, du coup, sur. À quand remonte du coup ta passion sur les mangas? Ouais, depuis tout petit. Ouais, génération Club Dorothée, comme on dit, dans le milieu. Ah, j'ai grandi Dragon Ball et Survivant. Le premier, du coup, qui te remonte comme ça, c'est Dragon Ball sur. Je pense que c'est Dragon Ball. Dragon Ball, c'est le premier que j'ai eu en papier avec la vieille édition Glénat dans le sens français, là. Je me rappelle, c'est le tome 20, le combat contre Goku et Vegeta. Oui, c'était petit, c'était vendu par chapitre ou autre. Non, pas celui-là. Moi, j'avais vraiment le volume bleu, le volume 20. Ah d'accord, c'est vraiment un volume. Ouais, c'était le premier que j'avais eu à l'époque et que j'avais colorié dedans d'ailleurs. On fait toutes des erreurs. Et après, il y a Saint Seiya qui m'avait beaucoup marqué, mais l'animé pour le coup, pas le manga. Saint Seiya qui m'a appris que les personnages avaient des mollets. Quand j'ai dessiné au début, les personnages, ils étaient courts sur pattes, donc j'étais gamin, bien évidemment. Et après, avec l'armure, en fait, j'ai vu qu'il y avait le rond qui était la genouillère, et après, il y avait le truc des mollets. J'ai fait, ah putain, mais c'est, ah oui, c'est un mollet, c'est génial. Et c'est à ce moment-là que les personnages ils sont devenus une proportion plus ou moins correcte. Mais du coup, t'as quasiment commencé, entre guillemets, à dessiner au moment où. Très, très jeune, alors. Ouais, je dessinais depuis que je suis tout petit. Après, c'est. Je dessinais plein de trucs, je lisais pas mal de comics aussi, les BD franco-belges, les Astérix et tout, même si des comics j'ai arrêté, pour le coup, je suis pas du tout à jour. Mais après le manga, ouais, ça a été un coup de foudre quand j'ai vu le format, j'ai adoré ça. J'ai découvert quand même relativement tardivement, mine de rien, parce qu'après j'ai grandi à l'île de la Réunion. Et c'était pas forcément ultra répandu. Ouais. Mais genre les premiers que j'avais achetés, ça devait être Détective Conan et Yu-Gi-Oh! Ah ouais. Evangelion, des trucs comme ça. Et encore eux, ils étaient dans le sens français, sauf je me rappelle. Yu-Gi-Oh! Non, et la première fois que j'ai lu un manga à l'envers, du coup j'ai compris qu'il fallait le lire à l'envers, mais je lisais quand même dans le sens français, ce qui fait que j'arrivais à la page 15, je comprenais rien du tout. C'était assez génial. Mais je suis tombé amoureux du format, le dessin, j'aimais tout en fait, et j'ai dit putain, c'est trop bien. Après j'ai continué quoi. Ok, et si tu devais citer du coup un manga, ton manga préféré? Oh là là, les gars, ah, c'est dur. Allez, un manga? Un ou deux, mais un, ça serait bien. C'est très très dur. Et je dirais quand même, je dirais One Piece. Ouais. Contre toute attente. Je dirais One Piece parce que c'est un manga que je suis depuis très longtemps quand même. Et je trouve qu'il est toujours en cours et qui arrive à se renouveler. Et en shonen classique, série fleuve comme ça, je trouve que c'est la crème de la crème quoi. Après, il y a d'autres trucs que j'ai vus qui sont vraiment excellents. Et après la claque que j'ai eu que je m'attendais pas, mais c'est du coup plus récent, c'est les JoJo's Bizarre Aventure. Voilà. voilà, donc on reste sur du shonen classique. Après j'adore No Kurosawa, ouais, j'adore plein de trucs les gars, mais ouais, One Piece quand ça sort, j'adore. Je lis pas les scans ou quoi, j'attends que le volume sorte en France là, puis je me fais un kiff. C'est un vrai kiff. Ça c'est un vrai kiff. Moi aussi j'ai, bon, comme la plupart, tu dis sur les scans un peu sur internet quoi. Moi non, maintenant j'ai arrêté de plus en plus. J'attends, je m'en fous, je me dis tant pis, j'ai du retard, mais je veux me. Alors pour la blague, le seul manga que j'ai lu en scan, c'est Berserk. Ah ouais. Ouais, bon alors moi j'avoue. Tout est lié, hein. tout est calculé. Mais ouais, maintenant je fais pareil, j'achète beaucoup, ouais, et je lis quasiment plus sur internet. Gros consommateur de manga, ouais, je lis, ouais. J'achète, je lis si je peux pas acheter, mais c'est très rare, donc j'achète pour du temps quand même. Et après, ouais, les scans, non, ou alors vraiment si j'arrive pas à les trouver autre part ou que vraiment je me dis ah j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Ouais, moi c'est clairement. Ou même parfois je dis putain c'est trop bien, du coup j'arrête et en fait je passe au volume papier, ouais. Ouais, papier ouais, direct. C'est un plaisir d'avoir les vrais volumes. Ouais, ouais. Et puis même la surprise, le truc de la découverte vraiment. La découverte, mais également on passe énormément de temps sur les écrans entre la télé, oui, le c'est travail, bon, il y en a déjà assez quoi. C'est vrai que le soir attraper un manga, le lit, enfin un manga, comics, BD, on s'en fout. On attrape, ouais. On se pose au lit, ouais. On le lit, c'est un plaisir. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, on va attaquer la toute dernière partie de l'interview. Vas-y. Très courte. La spécialité de Jeff. Ouais, je refais. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et c'est marrant. Je ne l'ai pas peaufiné depuis que notre dernière invité est passé. Hein, donc, ouais, j'ai toujours des trous, grave. Mais c'est pas grave. Je vais te proposer des choix. Et ouais. Toi, le but du jeu, c'est de répondre spontanément hein, et pas justifié. Ok, on va essayer. Allez. Comics, manga. Manga. Ça, je m'en doutais. Shonen, shoujo, CNN. Shonen. Neketsu, Ponsu, tranche de vie. Oh là là. Neketsu. Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail. Dragon Ball. Goku, Vegeta, Piccolo. Goku quand même. Goku quand même, voilà. Quand même. C'est bon, c'était bon. Voilà, c'était la petite. J'ai hésité. Entre qui et qui. Maintenant que c'est terminé. Entre Goku et Vegeta. Vegeta, je trouve qu'il a un meilleur arc scénaristique. Il a une vraie évolution. Ouais. Que son Goku, il a essayé de le faire évoluer, mais les gens l'aiment tellement que ça reste un éternel imbécile. C'est ouais. Ah ouais. Mais bon, j'aime Goku quand même, j'avoue. Tout le monde aime Goku au fond, mais bon, oui. Moi, c'est vrai que je préfère Piccolo et Vegeta. Piccolo. Piccolo, il est enfin, sympa, mais. Satan peut dire son plan quand même, tu vois. Vegeta, j'avoue, Vegeta, il est quand même cool, c'est vrai, il est mieux travaillé. Ouais, Vegeta, pareil, je l'aime aussi beaucoup. Bah, tu le vois arriver un ennemi, puis tu le vois du coup, au final, devenir gentil. Et quand tu vois, il joue la brute, mais devant Bulma, c'est tout mignon, ça en dirait un petit lapin presque et tout. Non, il y a une vraie évolution, il y a un vrai travail sur le personnage. C'est vrai que Goku, il est trop pareil, mais après, c'est un archétype qui a marqué l'histoire, du coup. Et oui. Tout le monde s'inspire de Goku maintenant, aussi pour faire ses personnages de. C'est Hero Shonen, quoi, donc on peut pas lui enlever ça. C'est sûr. Bon, ben on va pouvoir passer à notre avant-dernière partie sur Angoulême. Et ben nous revoici du coup sur notre avant-dernière rubrique, qui est ben, la présentation du dernier festival d'Angoulême qui va se passer donc, le week-end prochain. Ouais. C'est du 30. Alors, du ça 30 commence le jeudi 30 et ouais, ça termine le 2. Le 2 février. Exceptionnellement, je crois que c'est ma première fois que je n'y vais pas. J'y suis allé 4 ans consécutifs. C'est la première fois que j'y vais pas. Oui. Ah, mais t'envoies ton meilleur élément. Nico n'y peut pas y aller. Donc, on envoie la crème de la crème avec. Bon, comment on l'appelle, Manu ? L'intérimaire, ouais. Le stagiaire, j'aime bien l'image du stagiaire que part chercher du café ou autre. Que tout toi, t'es passé de caméraman à chroniqueur, t'es passé de stagiaire à caméraman. C'est ça. Peut-être. Donc, on y envoie Adrien et Manu. Qui n'est pas présent ce soir. Qui sera sûrement là pour le débrief d'Angoulême sur la prochaine chaîne émission. Voilà, c'est ça. De toute manière, il n'a pas le choix. Il a signé, signé un contrat. Un contrat exclusif avec son sang. Donc, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Donc, je vais vous présenter un peu ce qui va se passer pendant ces. Nous, on y sera du vendredi au dimanche, pas le jeudi. Et il nous prévoit des sacrées petites interviews ou même des conférences. T'as déjà des contacts pour des interviews, tu vas. Non, mais. Tu vas voir Robert Kirkman. Ben, bien sûr, moi, t'inquiète, moi, je vais y aller au culot, moi. Donc, c'est bon, on vous annonce que pour le prochain Eva Comics, on va avoir une interview exclusive. Merci, Adrien. T'assures maintenant. Hein. Non. Donc, cette année, on a pu remarquer, en tout cas, quand on a un peu travaillé le sujet avec Jeff et Nico, que niveau manga, ils assurent cette année. Il y a pas mal de conférences. Donc, sur le jeudi, je vais revenir un peu sur les 3 jours, qu'est-ce qui va être présenté. Rapidement, hein. Donc le jeudi, on va pouvoir avoir sur le manga une projection et je pense, ce qu'ils appellent une table ronde. Donc, ça va être sûrement un échange ouvert avec le public, en espérant, sur les sports et le sport dans les mangas. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Et, c'est vrai que je suis, maintenant que j'ai ADN et Crunchyroll, je suis assez fan des animés sportifs. Surtout en 12 épisodes, c'est vite clôturé, c'est vite emballé. Ouais, ouais. Je trouve ça super sympathique et c'est une conférence que j'aurais bien voulu faire. Ouais. Donc après ça, on va avoir donc une conférence sur les récits courts de Takahashi et de Toriyama. Donc Takahashi, il a quand même fait. C'est sur Ranma and Demi. Elle, oui. C'est elle. Pour ça que je. Oui. Elle a fait donc Ranma and Demi. Bon, Toriyama, est-ce qu'on doit vraiment le présenter C'est celui qui a fait Dr. Slump, c'est ça Oui. c'est surtout une réponse mal. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais tu vois, je voulais essayer de t'amener, dire voilà, non. On est une vraie culture, on parle pas que de Dragon Ball. C'est lui qui récupère les chèques. Le super. C'est ça, voilà. Lui, il a été malin, lui. Alors lui, il a dit, bon, d'accord, je vais continuer, mais moi, j'écris plus. C'est la plus grande escroquerie du manga, Kira Toriyama. il y allait. Ensuite, on va avoir Robin Kirkman, donc de Walking Dead et autres mondes pop. Donc ça va être une animation autour de son univers. Où il va être présent. Et par contre, j'aimerais que tu poses une question à Kirkman, parce que bon, normalement à la fin de chaque conférence on peut essayer de poser des questions. Je veux que tu vendes ton corps pour réussir à poser cette question de qu'est-ce qu'il pense de la future mini-série sur le Marvel Zombie que va sortir Marvel courant février ou mars. Non, pour avoir l'avis du mec qui a fait Marvel Zombie à l'origine, parce qu'il avait introduit ça sur Ultimate Fantastic Four et qui a après refait une histoire en 3 volumes disponibles chez Deluxe, chez Panini malheureusement. Ou sinon, achetez-les chez Marvel directement en VO, hein, ça sera mieux. Ensuite, donc toujours, ça sera toujours le jeudi, il y a une conférence, donc c'est pas mal, c'est que c'est sur la BD, la SF et les mangas. Donc c'est deux auteurs, deux visions d'un même avenir. Donc ça va être la confrontation, je pense, sur cet univers-là. Ça peut être intéressant à voir. Après, on va avoir une conférence. Donc ça, ça sera le samedi de Gum, du coup, sur Gum, sur l'univers. Tu y vas? Ça m'étonne de ta part. Non, avant, tu penses? Non, bah ouais, je vais y aller. En plus, bah là, cette année, c'est spécial Gum. Hein, donc, sur-côté ou pas sur-côté, Gum? Sur-côté. Ah non, sous-côté. Sur-côté. Ah non. Je l'ai relu, là. Oh. Un petit peu. La première partie, excellente. La dernière partie. Je sais pas, moi. En fait, la dernière partie, donc des 9 tomes ou. Ouais, des 9 tomes. Ouais, des 9 tomes. Je parle pas des spin-off autour. Là. Ok. J'étais sur le cul de tome en tome. Je connaissais l'univers, j'avais regardé, je connaissais le basique avec l'OAV. L'OAV, là. Bon, ouais. L'OAV qui dure une heure, parce que c'est quand même. Je crois, ouais, il dure une heure et demie. Je sais plus, mais j'avais. C'était un film plus. Enfin, moi, je considère plus un film qu'un OAV. Bon, ils ont sorti. C'était pas le mec qui avait fait les designs de. Comment il s'appelait ce truc avec les mechas, là, à l'époque, là C'était. Je sais plus le nom. Mecha, je sais plus. Il a fait aussi un truc avec des mechas. Il dessinait les nez d'une façon très originale, un peu pointue. Moi, je me rappelle plus, tant pis. Ouais. Et du coup, déjà à l'époque, j'avais donc aimé ce TOV. Et puis quand je me suis mis dans les bouquins grâce aux coffrets collecteurs qui sont sortis. Ouais, que j'ai acheté, mais voilà. J'ai trouvé ça honnêtement. L'évolution, le personnage et tout. Puis comment ça se termine, les révélations, non, je sais pas, moi j'ai... Ouais, je sais pas, je trouve ça, il prend une direction, j'ai l'impression qu'il sait pas où il nous emmène, en fait. Oui, totalement, parce qu'on change d'arc quasiment tous les deux ou trois tomes, et mais, tu te dis, mais premiers, pourquoi, ça en fait va, je pense que c'est le moment où il y a... C'est la fin du Motorball pour moi, où j'ai commencé à décrocher. Ah ouais. Ouais, voilà, ouais. Ah ouais, putain, moi, après... C'est quoi, tome 5 Oui, c'est tome 5 ou 6, je pense. Ouais, après, quand il y a des livres temporels, que... Ouais, il faut se raccrocher un peu, mais du coup, ça part dans un autre... ce que j'aime bien, c'est que Gali, elle cherche toujours, en fait, à voir jusqu'où ses émotions, et à chercher vraiment tout le panel de sa propre existence, quoi, de pourquoi et où est-ce qu'elle peut aller. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, donc, du coup, pour continuer sur le samedi, on va... Donc là, c'est sûr, j'irai. C'est le Coming Soon. Donc, c'est la présentation de Kana sur les titres à venir. Donc ça, ça va être bien intéressant à avoir. Il faudra que tu leur poses la question de savoir s'ils vont sortir le prochain chapitre sur Death Note. Ah ouais, Death Note, c'est une vraie question, c'est vrai, super intéressante à poser. Mais je pense qu'ils vont quand même le sortir parce que tu vois, ben, on parle de Gum juste avant. Ils viennent de sortir Ashman, qui est quand même donc du coup un hors-série, un spin-off sur un des coureurs donc du motorball. C'est deux maisons d'édition différentes. Oui, non, mais Gum et Ashman, c'est oui, c'est mais, le... mais Glenna, c'est Glenna qui bien. Oui, mais je veux dire sur le. Ouais, mais sur. Ils l'ont ressorti sur parce que il vient à Angoulême. Hein. Sur le tome, sur l'épaisseur et sur le nombre de pages que fait Ashman, c'est quand même beaucoup plus petit qu'un tome classique de manga. Donc je me dis que Death Note, c'est une des grandes figures des mangas quand même. Je pense qu'ils vont le ressortir en France. Mais non, même les Japonais font des remakes, c'est la tristesse. Non, mais après, alors ça serait une suite officielle. Hein. Ouais, c'est une suite officielle, mais ils vont le sortir sous quel format? Parce qu'il fait 94 pages. 87. 87. Et c'est terminé? C'est juste un one shot. C'est un one shot, mais c'est la suite du manga. Mais ça serait. Ils ont dit, on fait un one shot qui se passera après le manga, en fait la fin du manga. Donc est-ce qu'ils vont sortir le tome 13 en augmenté ou est-ce qu'ils vont essayer de nous sortir un petit volume? Ah, moi je pense qu'ils vont nous sortir un petit volume, hein. Je pense aussi parce que les mecs qui ont le tome 13 de base, ils vont pas vouloir raquer. Mais ça veut dire qu'ils vont nous le sortir à quel prix vu qu'il y a 86 pages? Ça, je sais pas. Hein. Ou alors, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, mais ça, après, ça, c'est une grande question. On verra. Ça. Mais d'où le fait qu'il y ait posé la question. Oui. Oui. Ça sera une bonne info à ressortir donc, de chez Kana. Ensuite, côté comics, on va avoir une conférence de Fournier Xavier sur Gail Simone, qui est quand même une grande qui a travaillé chez DC et chez Marvel. DC, elle a travaillé sur du Batgirl par exemple et autre chose. Je pense que c'est intéressant d'en savoir un peu plus sur elle. Pour finir cette journée du samedi, on va avoir la possibilité de regarder la nouvelle série d'animation de Harley Quinn. Alors, sur la vague, voilà. De Birds of Prey, là, ça y est quoi, c'est... il y en a partout là. Voilà. Surtout les singles des comics en VO qui arrivent en série, là, il n'y a que la pub Birds of Prey derrière, c'est un cauchemar quoi. C'est ça, donc voilà, donc c'est les trois épisodes inédits en France, donc... Oui, parce que c'est déjà sorti aux États-Unis sur la plateforme de streaming de chez DC, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui va atterrir chez HBO Max, qui fait partie du même groupe. Donc ça sera pour la journée du samedi, donc à voir sur le programme. Et c'est pour dimanche. Et alors dimanche, on va avoir donc une petite conférence sur les reprises des mangas. Donc à voir ce qui va. Ce qu'ils vont nous parler. Ce qu'ils vont Dragon Ball Evolution. Cette réussite extraordinaire. Cinématographique. Ouais. Non mais je pense que c'est ça. Est-ce qu'ils vont nous parler du film d'animation Death Note sur Netflix? Oh oui, il était bien. Full Metal aussi. Voilà. J'avais eu du mal avec celui-là. Franchement. Est-ce qu'ils vont nous parler du Détective Pikachu? Il est pas mal. Et j'ai parlé des pires, maintenant j'arrive vers les meilleurs. On peut pas parler que. Même Alita était quand même. Alita était pas trop mal. Le problème, c'est que je n'ai pas lu le game. Je l'ai sur ma gueule, mais. Un peu trop édulcoré. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est le seul défaut. Normalement, c'est plus gore, c'est ça? Ouais, c'est plus. Un peu plus. Normalement, t'as pas envie de te balader dans les rues. C'est ça. On t'enlève tes organes si tu traînes la nuit. Voilà, les gens mangent du chocolat. Il fait bon vivre. Tu sais pas trop pourquoi ils veulent aller sur Zalem en vrai, mais. Bon, à part ça, je suis comme toi, c'est le seul reproche que j'ai fait, ça a le mérite d'exister quoi. Après c'est clairement pas honteux par rapport à tout ce qu'on a pu voir, ouais, hein. C'est ça, ça va, il y a vraiment pire, mais après bon, c'est pas ouf. Ensuite une autre coming soon du coup de Akata Edition. Donc là, pareil, on va pouvoir voir ce qu'ils vont sortir. Alors, Akata que j'ai découvert récemment et que j'adore. Honnêtement, j'en achète quasiment tous les mois de chez Akata. Ouais, une collection What the Fuck. Un peu trop What the Fuck. C'est quoi, je découvre aussi récemment. Ils ont des bons titres, là. J'ai lu récemment En Pro aussi, non, ce qui est très bien. Et je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu. Et là, j'ai acheté Café Freaks. Et aime ton prochain, mais ça c'est dans la collection What the Fuck. Qui le prochain, est, je l'ai lu. Bah, ça porte bien son, son truc. Ensuite, on va avoir une autre conférence qui a l'air intéressante parce qu'il y a des éditions qui vont participer et des maisons d'édition. Donc ça va être l'adaptation en littérature en manga. Donc de la littérature en manga et donc ça va être. Light novel en fait. Ouais, c'est ça. Donc avec les éditions Rue de Sèvres, Pika et Kurokawa. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ça arrive à avoir des infos pour moi de No Game No Life, je veux bien. Ah non, mais moi je suis pareil. Mais non. Voilà. Et je pense que pour finir cette journée du dimanche, une petite conférence sur le patrimoine des mangas. Donc tu partirais de Angoulême à 18h. T'étais pas prêt, toi, t'es fou. Ouais, je sais pas, on verra. Donc. Ça fait programme. Donc voilà, ouais, gros programme. Donc de prévu en plus donc sur place sur les éditeurs habituels qu'on peut retrouver chaque année. Panini, Urban, Delcourt, Bliss, Snorkle, Kana, Pika, Kiun, Kaze, on aura même Tsume Art qui sera présent. Donc alors l'année dernière j'étais pas présent mais il y a deux ans ils étaient déjà présents sur un stand donc. Bah là ils vont promouvoir Kurokawa, Kurotsume, ouais, c'est ça. Panem Circus et Ragnafall. Ouais c'est ça. Donc du coup, il part la semaine prochaine. On va se voir avec Adrien et Manu pour faire un petit podcast rapide pour faire un débrief d'Angoulême qui arrivera en première partie de février. C'est ça, c'est prévu comme ça. À peu près. Il faut qu'on positionne les dates, mais ça va sortir pas quasiment direct, mais avec une semaine de différence. Ouais, peut-être une semaine ou deux, je pense. Peut-être une semaine. Verra, ouais, suivant les dispos aussi. Chacun. On va essayer. Bon, Nico. Pas Nico. À part si on fait ça en semaine, ça risque d'être moins pour moi. Mais justement, on parlait de le faire en semaine. Ah. Ok. Voilà. Un jeudi, t'as pas de ciné, ça va Si, généralement, c'est là où je vais, mais je peux décoller le mercredi, les cinémas. Bah, ça va. Mais la sortie, c'est le mercredi. Donc voilà, bah, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette partie d'Angoulême. Et voilà, sur nos programmes, en tout cas, de ces trois jours. Ouais. Sur les grandes lignes. Et puis là, maintenant, on va pouvoir attaquer la dernière partie, la partie la plus amusante, les conseils d'achat pour le mois de février 2020. Alors, nous revoici pour cette dernière partie du débat comics. Où on va vous faire quelques petits conseils d'achat pour le mois de février. On a un peu rénové le système de conseils d'achat parce que bon, avant on donnait des titres comme ça, mais voilà, c'est ça. Et au final, on va retravailler tout ça parce que bon, au final, tout le monde a un budget. On n'a pas un budget illimité. Certes, on est des passionnés, on peut arriver à 150€ en claquant des doigts ou à plus. Ouais, j'ai fait 175 aujourd'hui. Moi, en février, j'ai prévu 165. Hors voyage à Bristol, parce qu'à Bristol, je pense que je vais me trouver 2-3 comic shops où je vais me ramener avec des comics. Mais bon, voilà. On a décidé d'essayer de se limiter à un petit budget où chacun va présenter pour 30€ de manga, comics, BD, et puis voilà. Ce qui fait un total de 90€ et quand on a un invité comme aujourd'hui il pourra nous conseiller un bouquin mais lui aussi un bouquin. Non. Comme ça on arrivera à 100€ plus de 100€ donc voilà on va commencer par notre ami Sweep. Ok, alors c'est bien, vu que je lis beaucoup de comics, que les comics de base ça coûte 15 balles, que nos amis Panini, à part les comics de base qui sont à 15 balles, après juste au-dessus on a les deluxe qui coûtent 32 balles, donc ouais, c'est déjà attends. Hors budget. Excuse-moi de te dire, Panini a augmenté ses tarifs pour c'est à 48 Non, pour les Marvel Now ou des conneries comme ça, on est passé quasiment entre 17 et 18 euros. Ouais, c'est vrai, de ce que j'ai regardé, ouais. Il faut quand même préciser à ce demi jusqu'au bout. Mais j'ai trouvé un truc à conseiller pour 22€ et qui est vraiment pas mal. En fait, j'avais un autre truc à conseiller que je peux conseiller comme ça, mais vu que je l'ai pas lu, ce serait un peu triché, qui était le Silver Surfer Black. Donc on attendra plutôt le mois prochain pour que je vous le conseille. Par contre, chose qui sort aussi donc en février et qui est vraiment bien, que j'ai lu récemment, c'est le Spider-Man Life Story, qui est vraiment intéressant. On reprend un peu... En fait, déjà, concept de base génial. le héros vieillit comme nous, donc vu qu'il commence dans les années 60, il est assez jeune, mais quand on arrive sur les années de 2010-2019, bah en fait c'est un papy Spider-Man. Peter Parker est devenu un papy, c'est vraiment pas mal. Et donc on voit ça à travers différents événements, comme par exemple au moment où ils deviennent donc Spider-Man noir. On a quoi ? On a plein. Alors si j'essaie de problème, c'est que j'ai pas envie de spoiler sur tous les éléments qu'on a. On croise Octopus, on croise certains méchants, le Bouffon Vert. On a donc aussi Gwen qui est présent, puis MJ. Donc il se passe vraiment pas mal de choses. Et c'est aussi une histoire du coup qui est un peu sur un univers parallèle parce qu'on reprend des éléments de la vie de Spider-Man. Mais en soi, chaque événement va avoir un impact différent. Là, on voit à nouveau Peter qui du coup a deux gosses avec MJ, on voit les gosses grandir. Mais c'est vraiment intéressant, c'est un truc, c'est un one shot, il y aura que ça. Mais c'est vraiment pas mal. Perso, j'ai kiffé. Le premier chapitre, j'étais un peu dubitatif. Mais plus j'avançais, plus je kiffais. Donc c'est un conseil que je donne. Et je sais que j'avais vu déjà au moment de la sortie des ICU que beaucoup kiffaient ça. Et c'est seulement 22 euros. Et du coup, c'est bon, t'as épuisé ton budget. Ouais, bah après, sinon, ce que je dis, c'est Berserk Kingdom, c'est un peu hors budget. Je vais pas dire acheter le tome 1 pour après dire le mois prochain le tome 2. Donc, D'accord. Adrien, moi, Berserk. Non. Alors, moi, j'ai donc deux conseils qui au total fera à peu près 30 euros. Alors, je vais grignoter du coup un peu l'argent de Nico, comme ça, c'est bien. Parce que c'était 31 ou 32 euros. Le premier, ben, c'est la suite de Promise Neverland. Ils sortent un coffret, donc le deuxième coffret qui est apparu pour le tome 12, du coup. Oui, c'est le deuxième coffret collector. Oui, c'est le coffret collector, c'est pas les coffrets qui regroupent plusieurs tomes. Là, c'est le coffret collector du tome 12 où on peut retrouver, donc du coup, comme le premier qu'on avait eu pour le tome 9, un marque-page métallique, plus le roman qui va sortir sur les souvenirs de maman. Donc, il peut être très intéressant de voir le côté de la mère dans les premiers tomes qu'on peut retrouver. Et un carnet illustré donc, pour un total de 16,88€ de chez Kazé. Donc voilà, un manga déjà conseillé, déjà vu un anime qui est juste extra. Donc si vous voulez vous faire plaisir sur, sur un beau coffret, c'est le moment. Et ensuite, donc deuxième conseil d'achat, donc c'est l'éditeur Kiyun. C'est un coffret découverte sur un manga... qui s'appelle Hubelblatt. Donc, c'est vieux, ça, oui, c'est vieux, mais du coup, ils ont sorti ce coffret découverte là, depuis quelques temps, qui a 15,30€ pour les trois premiers tomes. Ouais. Donc, sorti pour les fêtes. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un bon conseil, surtout si vous aimez la Dark Fantasy. C'est quand même une bonne référence. Donc voilà, donc, n'hésitez pas pour les amateurs de seinen. Alors, de mon côté, je vais vous conseiller un manga et un comics. En comics, je vais vous conseiller Bitterroot, qui est sorti il y a quelques jours chez nos amis de iComics. Alors, on se retrouve dans les États, dans un Harlem des années 20, bien raciste, bien tout ça, on le sent, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on suit une famille qui part à la chasse, on peut dire un peu la chasse aux monstres, d'esprits qui prennent possession des corps, prennent possession des gens quand ces gens ont un niveau de rage élevé. Donc c'est assez sympa, ça ressemble un peu à du Ghostbusters et compagnie, tout en gardant un côté assez réaliste du Harlem de cette époque, donc avec la police blanche qui va et qui ne sont pas forcés, qui vont pas de main morte avec le peuple afro-américain, et pareil, les policiers afro-américains qui y vont, mais qui disent « Ah ben non, je ne fais pas partie, je les connais pas, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. » Donc voilà, Bitterroot qui va être également adapté au cinéma. Le tome est à 17,90€, il a été nominé au Eisner de l'année dernière, c'est franchement quelque chose que je conseille. Et en manga, je vais vous conseiller le tome 2 de Natsuko no Sake, qui est sorti chez qui va sortir chez Vega pour 11 euros, donc ça ferait un total de 28,90€. Le tome est super épais, hein. C'est un tome double voire triple, C'est simple, à chaque fois que je lis, j'ai découvert comme ça grâce à Aurélien de chez BD Ciné, bizarrement. Et je lui avais dit, écoute, vas-y, j'ai un budget limité, vas-y, conseille-moi ce que tu veux. Et il m'a conseillé ça, je savais pas quoi. Et puis bon, je me suis dit, une histoire sur le saké, comme ça. Il m'a dit, ouais, tu vas voir, c'est comme dans L5R, des parties à vida. Bon, ben voilà, L5R, Légende des 5 anneaux, pour ceux qui connaissent, ça m'a pris au cœur. Je me suis dit, putain, allez. Encore sa grille sur le bingo, hein. Le S5R, il a encore ça. Réussi à nous le mettre. Hein. Et donc forcément, j'ai lu ça, et puis honnêtement, à la fin, j'ai juste envie d'aller au Japon pour déguster tous les types de saké possibles et inimaginables, et c'est super, enfin, on apprend plein de choses. Donc voilà, ça c'est mes deux petits conseils, et puis notre guest, Nico, va nous conseiller 100 truc, un seul, bonne chance. Allez, si je devais conseiller un titre, je pense que ce serait Tokyo Revengers de Ken Watsui, ah, édité chez Glénat. Ça a été une très bonne surprise de fin d'année dernière. Il y a 5 tomes parus actuellement, et c'est l'histoire d'un Furio. Les Furio, c'est des mecs avec la banane, un peu comme Onizuka au tout début de GTO là. Voilà, qui traînait avec ses amis au collège, il avait une copine. Voilà, c'était un gang claqué au sol, hein, clairement, mais voilà, ils faisaient leur vie, et on le retrouve en fait des années plus tard. C'est devenu un lambda guy, il a totalement arrêté le délire, il travaille dans une supérette, et en fait il va découvrir aux infos que sa petite amie de l'époque est décédée dans un accident. Et à partir de ce moment-là, il va se passer une série d'événements qui vont le conduire à retourner dans le temps, typiquement à l'époque où il était un furio, etc. Et il va essayer du coup de voir pourquoi déjà il a perdu contact avec tout le monde, parce que quand on le retrouve plus grand, il n'a plus contact avec ses amis d'avant, plus contact avec cette fille-là, il est vraiment isolé. Et du coup, il essaie de se rappeler qu'est-ce qui a pu se passer à l'époque, etc. Et il va vouloir essayer de faire en sorte de sauver cette fille-là en l'empêchant d'être mêlé à des histoires de gang de son époque de collège. Et la petite subtilité, c'est qu'il ne va pas rester bloqué dans le temps au passé. Il va pouvoir revenir dans son temps présent et voir du coup les événements qui ont changé, etc. Et à chaque fois, il y aura des nouveaux trucs qui vont le forcer, bien évidemment, à retourner dans le temps. Et c'est excellent, parce que du coup, ça lui donne une limite. C'est-à-dire que s'il passe un certain temps dans le passé, quand il va revenir, il y aura le même nombre de jours qui se seront écoulés, en gros. S'il revient dans le passé, il peut pas revenir dans le passé encore plus loin. Donc, il y a des choses qui pourra plus jamais changer, en gros. Donc c'est un peu ça la petite subtilité. Le tome 4 est très prenant. C'est là le vrai démarrage du manga. Pour moi, c'est le tome 4. Il se passe vraiment un truc assez dingue. Donc je vous conseille vraiment la série. C'est quoi ? C'est 6,90 je pense, chez Glénat, les tomes. Il y en a 5 actuellement, 15 au Japon, je crois. Donc ce serait ça. Et sinon, achetez mon manga, bien évidemment. Voilà. Et bien sûr, normalement on le dit en début de chronique, mais pensez à aller voir vos librairies indépendantes. C'est quand même un peu plus sympathique que d'aller voir nos amis de chez Amazon ou même la Fnac. Hein. Les petites librairies, il faut les soutenir. Et les petites librairies, c'est la vie. Merveilleux. Pop. Sur ce, on va peut-être arrêter là parce qu'il surchauffe à force de parler. Je vais remercier Nico pour être venu, pour nous avoir parlé de son manga. Avec plaisir. C'était super sympa de t'avoir sur le podcast. N'hésite pas à revenir quand tu veux, en tout cas. Ça marche, j'emmènerai des gâteaux. Bon ben. Nous, on amènera les bières. On va dire non, pas des bières, on va dire de l'eau pétillante avec un peu d'alcool, fait à base de houblon. Bah, dis de la bière. Ouais, dis de la bière. Dis juste consommer avec modération. Ouais, tu mets le petit message. Modération dans le sud, c'est une drôle d'idée quand même. Il y en a qui ont essayé. C'est une vision des choses, tu vois. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis on va se retrouver très vite pour faire un débrief d'Angoulême avec Adrien qui va nous revenir avec plein d'infos extraordinaires. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. Salut. Bye.